Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce journal. Donc voici les grands titres. 5 personnes sont mortes, environ 300 maisons détruites et environ 5 hectares endommagés. 5 hectares de champs endommagés suite au glissement de terrain dû à la pluie tombée jeudi sur la commune Guitevé dans la province de Kirundo. Pour l'instant, 3 dépouilles ont été retrouvées. Et la population de la zone urbaine de Kanyosha apprécie fortement les travaux de réhabilitation de la 7e avenue. Le conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales en commune Moa dit que ces travaux de réhabilitation ont été financés par la Banque mondiale. C'est un reportage que vous suivrez dans cette édition. Et certains infirmiers à Muyinga annoncent avoir des doutes quant à leur degré de protection contre le coronavirus et les conditions de mise en quarantaine des Burundais en provenance d'autres pays. Notre correspondant nous le dira. Voilà pour les grands titres. Rebonsoir. 5 personnes sont mortes, environ 300 maisons détruites et environ 5 hectares de champs endommagés suite au glissement de terrain dû à la pluie tombée jeudi sur la commune Guitobé de la province Kirundo. Comme l'affirme l'administrateur Renova Nzisabira en demandant à la population de Nyenzi d'abandonner de construire dans des zones à risque car le plus grand nombre de maisons étaient érigées sur cette colline Nyenzi. Il interpelle les bienfaiteurs à assister les victimes de ces intempéries et pour l'instant, 3 dépouilles ont été retrouvées. La population de la zone urbaine de Kanyosha apprécie fortement les travaux de réhabilitation de la 7e avenue. Jean Naonvu, qui est conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales en commune Moura, dit que ces travaux de réhabilitation de cette route ont été financés par la Banque mondiale à travers le projet PDR. C'est un reportage d'Armel Moutore. Certains habitants de la zone urbaine de Kanyosha se réjouissent des travaux de réhabilitation de l'avenue numéro 7 de cette zone. Nous nous réjouissons de voir comment ils sont en train de réhabiliter cette avenue parce que cette route était devenue presque impraticable, que ce soit pour les voitures et pour les motos. Il y avait des nids de poules un peu partout. Mais maintenant, la circulation sera fluide et pour nous qui exerçons le commerce ici, nous pensons que les clients vont augmenter avec l'augmentation du trafic sur cette route. La réhabilitation de cette route est une bonne chose parce que si la pluie tombe, l'eau et les maisons étaient menacées, mais les choses vont changer. Ces mêmes habitants demandent que même les autres avenues soient aussi réhabilitées parce qu'ils sont, dit-il, dans un état déplorable. Nous demandons que les autres routes de notre zone soient aussi réhabilitées. Il y a même un caniveau au niveau du ruisseau Mugoyi qui apporte des torrents d'eau et qui occasionne des dégâts énormes jusqu'à la démolition des maisons. Nous voulons que ce caniveau soit aussi bien aménagé. Nous demandons à l'État et aux bienfaiteurs de réhabiliter les routes de cette zone. C'est déplorable de voir l'état des routes alors qu'on est dans la capitale. Les routes sont devenues impraticables pour les voitures, les motos, même pour les vélos. Que ce ne soit pas la seule avenue, mais aussi tous les autres, qu'elles soient réhabilitées. Jean Nahomvu, qui est conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales en commune Moura, dit que cette avenue sera pavée et qu'elle sera dotée de 2 caniveaux additionnels en plus de celui du milieu pour permettre une bonne évacuation des eaux de pluie. Oui, c'est un projet du PDR qui est financé par la Banque mondiale. La route va être pavée. La route sera de débord. Il y aura des caniveaux pour protéger cette route contre les conçus. Dans ce projet, on a proposé dans la zone Kanyosha de réhabiliter la 7e avenue, mais il y a d'autres routes dans la zone Moussaka qui vont être aussi réhabilitées. En attendant, nous allons aussi faire d'autres plaidoyers pour réhabiliter d'autres routes dans la zone Kanyosha vu l'état dans lequel les routes dans la zone Kanyosha se trouvent. Les travaux de réhabilitation de cette avenue seront exécutés dans un délai de 8 mois. Armel Moutore. Et certains infirmiers à Muyinga annoncent avoir des doutes quant à leur degré de protection contre le Covid-19 et les conditions de mise en quarantaine des Burundais en provenance d'autres pays. Lors des réunions animées ces jours par les responsables de la santé à Muyinga, à l'endroit des différents leaders et prestataires de soins, il leur est demandé de respecter à la lettre les mesures annoncées comme la distanciation et le lavage des mains, estimant que c'est la seule voie de se prévenir. Dieudonné Zeyman. Des dispositifs de lavage de mains sont visibles dans différents lieux publics, mais des individus passent sans s'en servir ou par endroits. Les bidons installés ne contiennent aucune goutte d'eau. Trêve d'un relâchement par rapport aux mesures de prévention contre le Covid-19, estime le médecin responsable de la province interne de Muyinga. Une conscientisation des habitants quant au danger de ce virus s'impose. Avec appui de l'organisation Memisa, les responsables sanitaires rencontrent jeudi et vendredi les prestataires de santé, les leaders communautaires dont les responsables religieux pour avoir un message uniformisé à relayer. Respecter à la lettre les mesures comme la distanciation, le lavage des mains ou se couvrir la bouche quand on éternue. Des infirmiers soulèvent plusieurs inquiétudes. Devant l'interdiction de porter des masques, ils se sentent menacés car côtoyant au quotidien des patients. Docteur Mathias Sabimana, chef du district sanitaire de Muyinga, trouve que les mesures annoncées au public pour se prévenir suffisent jusqu'ici. Les conditions de quarantaine dans le centre de Mika en commune Guiterani sont douteuses. Plus de 500 Burundais en provenance des pays voisins y sont amassés. Ces infirmiers demandent de doter chaque commune d'un tel centre pour désengorger celui de Mika. Le docteur Eric Ngunzimana, médecin provincial de Muyinga, trouve qu'il serait difficile de suivre ces Burundais. Tout l'impératif est d'aménager plus d'espace à Mika même. Plusieurs besoins se font sentir. Différentes organisations sont invitées à apporter leur appui. Muyinga, Dieudonné Zeimana, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida déclare un nouveau cas de coronavirus. Il s'agit d'un stagiaire dans le service de chirurgie à l'hôpital clinique Prince Louis Rwagasore. Cette personne s'ajoute aux 5 autres patients sous suivi. La recherche de personnes ayant été en contact avec elle est en cours. 45% des patients qui se font consulter aux structures de soins de santé ont du paludisme. Propos du secrétaire permanent au ministère de la Santé publique ce vendredi lors de la célébration de la journée internationale de lutte contre le paludisme. Les activités ont eu lieu à Ruhororo. Jean-Baptiste Nzoriranguze appelle la population à bien utiliser les moustiquaires qui ont été distribués l'année passée et d'autres mesures de prévention. Le 25 avril de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre le paludisme. Au Burundi, nous sommes en train de célébrer cette journée aujourd'hui, le 24. C'est notre souhait pour le pays. C'est la journée qui arrive au moment où nous voyons que les chiffres en rapport avec le paludisme continuent à diminuer. Mais quand même, il y a encore des efforts à faire parce qu'un nombre encore consistant se trouve au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux souffrant du paludisme. Avoir le nombre total de cas des patients venus en consultation, nous trouvons que 45% consultent pour le paludisme. C'est pourquoi nous interpellons toute la population burundaise de continuer à appliquer les mesures de prévention contre le paludisme, telles que la bonne utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Un nouveau projet dénommé Safe Transport est en cours de mise en place pour régler les conflits observés parfois entre les motards et les propriétaires de motos. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le président des coopératives des motards en conférence de presse. Félicien Nkurunziza souligne également que cela diminuera les accidents de roulage. Sous la mission d'être solution aux besoins de nos partenaires clients partout, voyant le transport à moto qui est devenu comme métier de recours à la réinsertion professionnelle des jeunes sans emploi d'une part, il advient qu'un transport motorisé conduit par des motards bien éduqués sur des motos remplissant les normes de transport constitue l'une des solutions pour le déplacement urbain, d'où la part du marché est estimée à 65% pour ceux qui ne disposent pas d'autres moyens de locomotion rapide. Étant épris par un mauvais comportement de certains d'entre nous, en tant que conducteur de moto transport, faisant une retombée négative voire fatale pour les clients, en tenant compte également des pertes enregistrées par les propriétaires des motos, avec nos différentes activités, la Cotamobu vient de mettre en place son projet Safe Transport comme priorité, partant de la problématique motard patron où le propriétaire de la moto se plaint ne pas avoir des versements comme prévu. Et le chauffeur motard se plaint ne pas être payé régulièrement. Ce projet apporte de l'innovation sur les aspects suivants. Climat d'entente entre motards propriétaires de la moto. La Cotamobu s'engage à verser régulièrement le montant dû au propriétaire de la moto qui a souscrit à ses services. Et encore, le contrat d'engagement du motard avec la Cotamobu lui donnera accès aux avantages d'employés. Les frais de réparation moto sont aussi couverts par la Cotamobu. Les propriétaires des motos affiliés à la Cotamobu, c'est la Cotamobu de chercher tous les documents de la moto, y compris taxes et impôts. La Cotamobu s'approchera aussi auprès de la Croix-Rouge pour bénéficier d'une formation en matière de sécurisme pour les unités de Cotamobu, ce qui réduira le taux de mortalité accidentelle. Et puisqu'on parle de transport, le secrétaire exécutif permanent de l'Union des assureurs et réassureurs du Burundi dit que les compagnies d'assurance seront confrontées au problème de pouvoir déterminer le nombre d'assurés afin de circonscrire le risque quand il s'agit d'assurer les camions Fousseau pour le transport des personnes pendant la campagne électorale. Tassien Tsibomana dit qu'il est techniquement difficile. Et c'est après la réunion de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, où il a été recommandé de faire assurer les véhicules qui vont transporter des gens lors de la campagne électorale. Suivez Tassien Tsibomana. Ces véhicules sont affectés au transport des marchandises. Donc, la prime est calculée en conséquence. Le nombre de personnes est limitativement fixé. Ça veut dire que dans la cabine, il y a le chauffeur, il y a deux autres personnes, tout comme sur le plateau, ceux qui vont décharger ou charger ces marchandises, ils peuvent être assurés à deux, à trois au maximum. Je ne vois pas comment ces maisons d'assurance pourraient les assurer alors que l'usage habituel de ces véhicules n'est pas le transport des personnes, mais bel et bien le transport des choses. Il serait même très difficile de circonscrire le risque. Je veux dire, savoir le nombre exact de personnes que ces fousseaux vont transporter, alors qu'on sait que parmi les critères de tarification, le nombre de personnes est un des critères déterminants pour calculer la prime à faire payer. S'il advenait par extraordinaire que la police soit en mesure de mettre en application cette recommandation qu'elle a prise, pour l'intérêt de la sécurité des populations, il y a toujours moyen de faire des dérogations, mais techniquement, tout doit se faire conformément à la loi et conformément aux pratiques de l'art, c'est-à-dire de l'assurance. Un assureur ne peut pas assurer en l'air. Il doit pouvoir maîtriser tant bien que mal se peut, ou tout au moins bien circonscrire le risque. Or, le risque, dans ce sens, c'est le nombre de personnes que vont transporter ces fousseaux. Est-ce que la police réellement peut garantir à tout le monde qu'elle va être stricte pour contrôler le nombre de personnes qui seront transportées dans ces camions fousseaux? Je reste sceptique matériellement, je reste vraiment pessimiste quant à la réalisation de cet objectif que se serait assigné la police. Tassien Tsibomana, secrétaire exécutif permanent de l'Union des assureurs et réassureurs du Burundi. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme recommande aux leaders politiques de ne pas instrumentaliser les enfants pour des fins politiciennes en cette période électorale. Jacques Nshimirimana, commissaire à la CNDH, prévient qu'au cas contraire, cette institution va saisir les instances judiciaires pour juger les personnes accusées d'avoir exploité les enfants pour des fins politiques. Il s'exprimait ce jeudi au cours d'une réunion de sensibilisation des leaders politiques sur la protection des enfants en période électorale. On fait le point avec Richard Niyokuru. Dans cette réunion de sensibilisation des leaders politiques et sur la protection des enfants en période électorale et surtout pendant les campagnes électorales, certains participants à cette réunion veulent savoir le sort qui sera réservé aux hommes politiques qui se rendront coupables de la manipulation des enfants pour des fins politiciennes. Au sein du parti CNL, c'est la satisfaction totale par rapport à cette réunion, mais Mélance Harilimana, l'un des représentants de ce parti à mairie de Bujumbura, regrette que certains partis politiques, dont celui au pouvoir, n'ait pas pris part à cette réunion. D'abord, c'est une bonne chose, mais je pense qu'ils ont déjà tardé. Normalement, ils devraient le faire avant parce que la campagne électorale approche. Déjà, la semaine prochaine, on va débuter. On a beaucoup apprécié cette activité, mais ce qui nous a choqué, c'est que les membres dont le parti au pouvoir, le parti CNDD-FDD, n'a pas envoyé leurs représentants pour qu'ils puissent eux aussi participer. Pour Jacques Nshimirimana, commissaire à la CNDH, sa commission compte saisir les instances à pouvoir juridictionnel. Et les politiciens sont appelés à la tolérance politique pendant la campagne électorale. Cet appel est de la communauté musulmane du Burundi, Komibou, en ce vendredi où les musulmans du monde en général et ceux du Burundi en particulier débutent le mois du Ramadan. Kassim Jafari, porte-parole de la Komibou, signale qu'il continue à observer les mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus. Aujourd'hui, ce vendredi, nous débutons avec le mois du Ramadan, le mois du jeûne. Le Ramadan arrive au moment où au Burundi, on parle de la pandémie du coronavirus. Y aurait-il des stratégies pour se protéger contre cette pandémie, comme quoi la distanciation sociale? Concernant la distanciation sociale ou bien comment se prévenir, nous avons entamé à des communications de se référer aux directives adressées par le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. La distanciation sociale. Cela aussi est nécessaire que ce soit dans les mosquées ou bien dans d'autres réunions. On est habitué à ce que vous prépariez des repas et vous repartagez à tout, quelles que soient les croyances. Est-ce que ça sera ainsi cette année? On ne peut pas donc abandonner cette bonne action, mais on devrait seulement changer l'attitude. On devrait donc changer comment on le faisait. On pouvait donc, comme nous le faisions avant, voir sur ce que tu as reçu. Il faut trouver une partie à donner aux voisins. Il faudrait que chacun puisse voir son voisin et lui donner une part qu'il va partager dans sa famille. Quel est l'appel que vous lancez à la communauté musulmane, même au Burundi? L'appel que je peux lancer à la communauté burundaise en général et à la communauté musulmane en particulier, vous voyez que le mois de Ramadan arrive au moment où nous entrons dans la période des élections. Il ne faut pas que les gens qui ne partagent pas les mêmes opinions politiques se chamaillent pendant les meetings ou bien se lancent des injures. Il faut que tout le monde ensemble puisse œuvrer pour la sauvegarde de la paix, la cohésion sociale, afin que le Burundi soit un pays pacifique, que les Burundais soient dans l'amitié, dans la paix et que personne ne puisse être maltraité puisqu'il vient de telle ou telle autre partie. Kassim Jafari, porte-parole de la communauté musulmane du Burundi, Komibou. Il était au micro d'Isidore Habonimana. Et environ 40 communes de l'intérieur du pays seront visitées dans ces trois prochaines années pour un dialogue communautaire et la sensibilisation sur la remise volontaire des armes pour le bien des communautés du pays. Annonce du président de la Commission nationale permanente de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, CAP. Le commissaire de police principal Maurice Mbonima l'a dit ce jeudi à Gitega après une retraite entre les membres de cette commission et les journalistes. Spes Caritas Kabanyana était là. Le président de la Commission nationale permanente indépendante de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre a annoncé lors de l'ouverture de cette retraite à Gitega qu'il est évident qu'il y a encore des armes au niveau de la population civile et qu'il faut absolument les récupérer. Le commissaire de police principal Maurice Mbonima a également indiqué que dans les trois prochaines années, de 2020 à 2022, beaucoup d'activités d'explication et de sensibilisation des communautés sur les bienfaits de la remise volontaire des armes seront réalisées dans 40 communes du pays, mais aussi une sensibilisation sur la lutte contre les violences, car des crimes se commettent aussi en utilisant d'autres moyens comme les armes blanches et autres. Comme évaluation de la stratégie 2015-2017, les activités de sensibilisation sur la remise volontaire des armes ont été réalisées à hauteur de 80% et actuellement, pour la stratégie 2020-2022, la CNAP compte beaucoup sur le réseau des membres de cette commission en collaboration avec les journalistes pour les travaux de sensibilisation des communautés, selon le président de cette commission. Il a dit à Gitega ce jeudi lors de la clôture de cette retraite. De Gitega, Spes Caritas Kabanyana, Radio Isanganiro. Merci Spes. En bref, pour terminer ce journal, la jeunesse burundaise en général et particulièrement les élèves du secondaire est appelée à se fixer des objectifs dans le but d'arriver à un développement durable. L'appel est de la part de Révérien Dikouri au président du Sénat lors d'une réunion qu'il a tenue l'après-midi de ce vendredi avec les élèves de différents établissements secondaires en mairie de Bujumbura. Il a en outre demandé aux filles d'éviter des grossesses précoces. C'est au moment où il fait savoir que dans les descentes qu'il a effectuées dans différentes directions direction provinciale de l'éducation. Il se manifeste un nombre élevé de grossesses en milieu scolaire. Et en international, la République démocratique du Congo demande un report à l'été 2022 des prochains Jeux de la francophonie prévus du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa, assure le Comité international des Jeux. Ce comité évoque le contexte international lié à la pandémie du coronavirus et le report des Jeux olympiques de Tokyo aux mêmes dates que son événement phare. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kouguimana pour la mise en onde. Micro Jean Bosco Ndouimana. Passez une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.